Alors, c'est une spéciale dédicace à Daddy. J'ai demandé si vous aimiez le ska. Vos papiers d'identité d'identité permis. Oh police, vos papiers s'il vous plaît là. Oh oh oh. Ouais, ça va bien. J'aurais des bien ordonné. Ils perdent pas de temps direct dans la chambre. Ils sont motivés pour une partie de chambre. Et voilà qu'arrive la moteur d'Eric. Ils sont en panique, arrêtez donc je vous pratique. Ah mais mes enfants, qu'est-ce que vous faites sous la couette? Au moins j'espère que c'est lavé un préservatif. Alors là c'est la minute de Noah. On adore ça. Et vous, vous aimez ça? Ok, ça y est, hein, la température est meilleure. Hein. Ça y est, il fait chaud. Et c'est pas terminé.